Bonjour Nicolas Barral. Bonjour Philippe Garbi. Alors depuis le début de la nuit, cette deuxième nuit spéciale Black et Mortimer, nous avons pu entendre le dessinateur André Juillard, l'homme qui, aux côtés d'Yves Sente, le scénariste, poursuit la série des Black et Mortimer aux éditions d'Argo, enfin l'un des dessinateurs et l'un des scénaristes. Nous avons pu suivre aussi, et nous allons continuer à suivre, le feuilleton SOS Météor, qui faisait les délices des petits auditeurs de France 2 régionale. C'est une chaîne de l'ORTF au printemps 1962. Nous aurons rendez-vous aussi plus tard dans la nuit avec la troisième émission que Jean Dev avait consacrée à Edgar P. Jacobs en 1987. Puis nous rencontrerons Frédéric David, alors quelqu'un qui n'est ni dessinateur, ni éditeur, ni scénariste, mais simplement entre guillemets, un lecteur et un admirateur de Jacobs. Et il est aussi l'animateur, c'est pour ça qu'on le rencontre, d'un forum qui a pour nom Centaure Club. Alors vous savez évidemment, Nicolas Barral, ce qu'est le Centaure Club ? C'est le club où Blake et Mortimer vont fumer leurs cigares. Voilà, parce que alors ça c'est le club londonien, le site, le forum, c'est un forum voilà où les fous de Black et Mortimer échangent des conseils, des réflexions sur telle ou telle case, évidemment. Il y a l'équivalent chez les Holmésiens. Les Holmésiens, les Proustiens, enfin tout le monde, tout génie littéraire ou de la chanson ou de la comédie à ses fans. Alors de même qu'il existe un monde parallèle dans le piège machiavélique, c'est l'opus 2 de votre série, il existe un monde parallèle, parallèle aux très réelles et très sérieuses aventures des vrais Black et Mortimer. Et puis vous êtes, Pierre Vess, le scénariste, et vous, Nicolas Barral, donc le dessinateur, vous êtes les auteurs, les responsables de ce monde parallèle. Oui. En fait, c'est parti d'une demande en fait de Dargaud dans notre direction. On était responsable d'une parodie déjà de Sherlock Holmes aux éditions Delcourt. Cette parodie leur avait tapé dans l'œil. Et c'est Guy Vidal qui avait soufflé à l'oreille de Pierre Vess qu'il aimerait bien qu'on leur concocte quelque chose. Alors là, les deux auteurs que nous sommes réunis. Et alors je crois être le premier à avoir avancé l'idée de parodier Black et Mortimer. Immédiatement, Pierre Vess m'a dit « Tu es fou, ils ne voudront jamais, sacrilège ». Et bon, bah, je me suis rangé à la raison et on a pensé à une autre formule, moins iconoclaste, un autre sujet pour tout dire. Et puis au moment de présenter le dit sujet, Pierre Vess s'est quand même lancé. Il s'est dit, c'est pas possible, je vais quand même poser la question. Qu'est-ce que vous diriez, mon cher Guy Vidal, si nous vous proposions une parodie de Black et Mortimer? Et là, Guy Vidal a dit, mais écoutez, mon cher, vous m'intriguez. Donc on a préparé quelques planches, comme ça se fait toujours dans ces cas-là, pour présenter le projet. Et apparemment, ça les a bien fait rire. Et donc nous sommes devenus... les parodieurs, je ne sais pas si ça se dit, officiels de Black et Mortimer chez Dargaud. Parodiste peut-être, ouais. Pasticheur, non, c'est pas du pastiche, hein, c'est de la parodie. C'est quoi la différence? Oh, alors là, vous m'en demandez beaucoup. Ah bah, vous êtes sur France Culture, vous allez nous répondre. C'est vrai, non, là, j'ai l'impression que le pastiche, enfin, comme ça, si je réfléchis deux secondes, hein, je peux guère faire mieux. Ça s'adresse plus à la littérature, j'ai l'impression qu'à la bande dessinée. Je sais qu'il existe des pastiches célèbres, par exemple, de Sherlock Holmes, que j'ai lu, qui sont des formules un peu à la manière d'eux. Nous, on n'est pas vraiment là. On se situe pas vraiment dans le à la manière d'eux. On essaie de bien respecter quand même l'auteur, mais de faire un pas de côté. Pour révéler peut-être la face cachée des personnages, avec l'intention non dissimulée de faire rire. Voilà ce que je peux dire de notre... Vous dites ça sur un ton absolument sérieux. Et... Ah, lugubre. Lugubre. Mais je suis lugubre. Ah oui, vous venez d'où, vous avez... Parce qu'avant, on va revenir évidemment sur notre sujet préféré de la nuit, Black et Mortimer. Mais Nicolas Barral n'est pas né en disant, tiens, je vais faire... un jour, quand je serai grand, je ferai du dessin qui ressemblera à celui d'Edgar P. Jacobs. Écoutez, moi j'ai baigné dans la bande... Enfin, on pourrait dire que je suis tombé dans la bande dessinée quand j'étais petit. En lisant Astérix, bien sûr, Lucky Luke, Tintin, pas tellement Black et Mortimer, Pas tellement, j'ai découvert ça finalement assez tard et j'ai dû me pencher dessus un peu sérieusement au moment de le parodier justement. Donc j'ai, en fait j'ai suivi le parcours de plein d'enfants qui dessinent jusqu'à un certain âge, sauf que la plupart d'entre eux s'arrêtent un jour de dessiner. Et moi j'ai continué et je pense que j'ai continué parce que je devais trouver de manière assez précoce que la fiction c'était quand même bien mieux que la réalité. Et donc j'ai dessiné pour raconter des histoires. Ça m'a conduit à, après le bac, à essayer d'entrer à l'école d'Angoulême, l'école de bande dessinée. J'ai d'ailleurs eu le concours. Je ne suis pas resté très longtemps, mais suffisamment pour y rencontrer quelques futurs collègues avec qui j'ai fait mes premières armes. D'abord un polar années 50 qui s'appelait Les ailes de plomb avec Christophe Gibelin au scénario. Et puis parallèlement à ça, j'étais lecteur de Fuite glaciale, donc il m'a semblé pour être publié la première fois que ça serait probablement plus simple de proposer des histoires courtes. Donc avec un copain qui s'appelait Stéphane Couston, on a proposé des histoires à Fuite glaciale qui ont d'ailleurs été publiées. Enfin, quelques-unes d'entre elles ont été publiées. Et c'est d'ailleurs le rédacteur en chef de Fuite glaciale qui m'a présenté à Pierre Vess, qui lui écrivait des petites chroniques dans la Gazette d'Yves Frémion. Et donc on s'est rencontrés et le premier sujet que Pierre Vess m'a proposé, c'était de faire une parodie, mais de Sherlock Holmes. Et j'ai trouvé ça assez bien visé parce que moi-même depuis quelque temps j'étais un peu travaillé par l'idée de mettre en scène Sherlock Holmes de manière un peu rigolote, guidé dans ce choix par en fait le visionnage de l'adaptation anglaise pour la télévision de Sherlock Holmes avec dans le rôle titre Jeremy Brett. Et Jeremy Brett me proposait une vision de Holmes beaucoup plus loufoque que celle à laquelle on était habitué. Et donc c'est parti de là, c'est parti de cette rencontre. Ça a donné Baker Street, donc cette série Sherlock Holmes n'a peur de rien, Sherlock Holmes est le club des sports dangereux, oui. Sherlock Holmes est les hommes du camélia, Sherlock Holmes est l'ombre du M, et puis le cheval qui murmurait à l'oreille de Sherlock Holmes. Oui. Alors, il faut, j'imagine, admirer énormément un personnage pour le parodier, pour le pasticher. Oui, il faut avoir de l'affection pour lui. Il faut avoir de l'affection pour lui, et puis il faut peut-être aussi... voir des choses que peut-être d'autres enfin ne voient pas, c'est voir le potentiel comique derrière la façade un peu rigide et sérieuse et pour ça Jeremy Brett effectivement est l'exemple parfait. Ensuite il faut également je crois quand on fait dans l'humour comme moi, je parle du dessinateur, avoir une assez bonne connaissance quand même du dessin réaliste. Je pense que... Alors Jacobs d'abord est un excellent dessinateur réaliste, mais même ceux que je considère comme mes maîtres en humour, c'est-à-dire Maurice et Uderzo, et on pourrait même mettre Hergé dans le lot, sont des très grands dessinateurs. Et capable effectivement. Alors bon, pour Maurice, on le sait pas trop, mais il y a assez peu de traces de ça. Mais Uderzo, il a en dehors d'Astérix, animé Tanguy et la Verdure. Il fallait quand même être assez costaud en dessin. Donc moi, j'ai fait mes armes aussi dans le dessin réaliste. Et la bonne connaissance de l'anatomie me semble un peu la base. Ça peut paraître paradoxal, mais pour être un bon dessinateur comique. Oui, mais il fallait quand même un parti pris. Quand le projet a été accepté par les éditions d'Argo, qui sont donc les éditeurs de Black et Mortimer, des vrais Black et Mortimer, quel était le parti pris, votre parti pris, Nicolas Barral? Parce que vous auriez pu être, finalement, faire exactement du Edgar P. Jacobs, ou ainsi que l'ont fait eh bien André Juillard et d'autres. D'ailleurs on me l'a proposé, mais en fait moi ce qui m'intéresse c'est le décalage et là encore paradoxalement je crois que un décalage efficace repose sur une sur une représentation pas si éloignée du modèle original. Mais un petit peu distanciée quand même. Voilà, la distance. Alors, on voit d'ailleurs chez Jacobs, dans le mystère de la Grande Pyramide, on voit des incursions un peu comiques. Alors, peut-être que c'est dû à la fréquentation qu'il avait du studio Hergé, et donc il y a un moment où peut-être les vases se sont mis à communiquer entre l'univers d'Hergé et le sien. Donc il y a des tentatives un peu comiques, et d'ailleurs ce sont deux albums dont le trait vraiment est, je trouve, se rapproche beaucoup du trait d'Hergé. Mais moi, mon travail consistait effectivement dans la parodie, et consiste encore, j'espère pour longtemps, consistera encore pour longtemps, à bien digérer l'œuvre originale et à proposer finalement une esthétique proche de celle de Jacobs, de manière à ce que, d'abord de manière à ne pas rebuter les fans de Jacobs, parce que notre pari à Pierre Vess et moi, c'est que les lecteurs de Black & Mortimer ne soient pas rebutés à lire la parodie que nous en faisons, et aussi parce que je crois que l'efficacité vient de là, vient du fait que on est embarqué dans une aventure qui est quand même pas si distante de ce à quoi on a l'habitude de s'attendre quand on ouvre un Black & Mortimer. Et puis au détour d'une case, ça dérape. Et je pense que l'efficacité vient de là. Si on devait prendre un parallèle cinématographique pour illustrer mon propos, je parlerai d'OSS 117, donc adaptation des romans de Jean Bruce par Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin. Donc ce sont des films, effectivement, qui sont des parodies, mais dont l'esthétique est hyper soignée. Je me suis laissé dire que Michel Hazanavicius s'était efforcé de retrouver les focales de l'époque, la pellicule, et de ça découle, je crois, une efficacité redoutable au moment où le gag survient. Il faut être en effet très proche dans les trois œuvres que vous avez dessinées. Donc le Menace sur l'Empire, c'était il y a 10 ans, le Piège machiavélique, puis le tout dernier là qui est sorti il y a 3-4 mois. SOS Météo. Vous avez choisi en effet cette proximité. Évidemment, Black & Mortimer ressemble au vrai Black & Mortimer, au vrai. Il faut le reconnaître, oui, c'est le minimum. c'est bien, c'est pratique. Et puis quand même, le dessin c'est un dessin un peu comique déjà. Enfin, ouais. Heureusement comique, c'est pas voilà qui accompagne qui nourrit le scénario. Enfin, tout avance en même temps, et le dessin et l'histoire, bien entendu. Parce que si réellement, je pense qu'André Juillard ne pourrait pas dessiner quelque chose de comique. Ce serait, alors après, ce serait trop sacrilège. C'est une tournure d'esprit aussi. Moi, j'ai. Enfin, alors, vous faites bien effectivement de parler du scénario, parce que je pense qu'il n'y a pas de bon dessin comique sans bonne proposition scénaristique. Ensuite, on est vraiment on est dans la comédie. Donc, moi, je considère en l'occurrence, la Black & Mortimer, mais en règle générale, les personnages que je mets en scène comme des comédiens de papier. Et donc, je m'efforce de les faire jouer, de les faire servir le texte. Et donc, on a mis au point avec Pierre Vess un système assez redoutable qui est que je suis prié de rire quand il m'envoie le scénario, évidemment. La garantie comique est assurée par le fait qu'en retour, ce que je lui envoie le fait rire. Voilà. Oui, c'est un minimum quand même. C'est un minimum, mais c'est en même temps une garantie, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai une espèce de troisième œil qui me regarde quand je dessine, et je sais, enfin, je finis à la longue par deviner ce qui va faire rire mon camarade. Et donc je travaille, je refais des prises, le temps que j'arrive effectivement au dessin qui va faire rire. Et j'en ai encore eu un témoignage récemment lors d'une dédicace d'un lecteur qui me disait que quand il a vu pour la première fois, quand il a découvert pour la première fois le nouveau Mortimer, le Mortimer Mr. Hyde, la physionomie que j'avais trouvée a fait son bonheur. C'est vraiment, c'est une récompense énorme, évidemment, après des mois de labeur. Que disent les éditions d'Argo, enfin que disait Guy Vidal, que disent aujourd'hui les éditions d'Argo, les responsables de d'Argo, parce que vous êtes donc la parodie officielle. Oui. Ça, c'est pas un peu gênant d'être la parodie officielle? C'est quand même... C'est peut-être gênant, mais c'était obligatoire. Si on avait fait ça ailleurs, on aurait eu un procès. Donc, elle est mieux que ça soit officiel. Elle est peut-être mieux aussi, d'ailleurs, pour d'Argo, finalement, se prémunir de toute tentative extérieure. Ouais. Non, c'est pas tellement gênant. Mais ça fait un peu ça fait un peu biographie autorisée, non? Oui, pourquoi pas. Mais moi, ça me dérange pas. Parce que ça me dérange pas parce que dans la réalité, on a une paix royale. Oui. Alors, vous censurez un tout petit peu parce que quand même, évidemment, les emprunts au scénario, enfin aux histoires d'Edgar P. Jacob sont nombreux et c'est aussi le comique, l'effet comique joue là-dessus parce que quand on voit que les travaux du professeur Milhoc, qu'on a bien vu dans SOS Météore et puis dans le piège diabolique, sont détournés, crétinisés par Mortimer, votre Mortimer, Nicolas Barral, dans le piège machiavélique, dans SOS Météo et puis dans Menace sur l'Empire. On rit parce qu'on connaît bien l'œuvre de Blackie Mortimer. Alors, lesquels choisissez-vous? Lesquels je choisis, c'est-à-dire? Je sais pas. Donc, dans les albums qui précèdent, parce que on voit souvent une fausse marque jaune. Ouais. En fait, c'est Mortimer qui vient en cachette la nuit pour ouvrir le frigo et pour manger. Alors là, les références. En fait, elles ont l'air nombreuses, mais par exemple, dans le dernier album. SOS Météo, donc, on s'est amusé à rejouer la scène du canapé où on voit effectivement Ulrich dans l'œuvre originale, dans SOS Météore, accueillir Mortimer dans une position très, très dominatrice. Fume cigarette, bon, très élégant, très, très inquiétant. Bon, là, on a un peu tourné ça en dérision. Et puis il y a le dispositif, effectivement, toute la machinerie de Milhocienne qu'on a remise en place pour les besoins du dérèglement climatique. Mais c'est tout, en fait. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Ce sont des clins d'œil certainement qu'apprécient les fans. Mais pour répondre à votre question, je pense, évidemment, il faut des références au modèle original, mais j'ai quand même l'impression que si on n'a pas lu Blackie et Mortimer, on peut lire la parodie. Je me suis même laissé dire qu'il y a des gens qui ne lisent pas Blackie et Mortimer par une espèce d'allergie. Pourquoi pas, hein. On peut être allergique à l'œuvre de Jacobs. Personnellement, je ne le suis pas. Et qui sont très heureux de les découvrir sous cet angle nouveau et chez qui ça provoque l'envie, finalement, d'ouvrir les albums de Jacobs. Donc en fait, on est assez libre et décontracté vis-à-vis de l'œuvre du maître. Enfin, vous avez relu, par exemple, puisque nous, ces deux nuits spéciales sur France Culture sont consacrées à SOS Météore, puisque Oui, je l'ai relu. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas écouté, vous n'étiez pas né, mais le feuilleton, donc en 1962, on a pu l'entendre, je pense qu'il a été édité par la suite en disque. Non, je n'ai pas écouté. Vous n'avez pas écouté. Mais je souffre d'un handicap qui est que je n'ai pas découvert Jacobs à l'âge où, probablement, il est bon de le découvrir. Donc j'ai... C'est-à-dire, à l'adolescence, j'imagine, enfin... Ah oui. Ça paraissait dans Tintin, c'était des enfants, enfin des 8 ans, 9 ans. Oui, mais moi je suis passé à côté, moi. Pas l'adolescence. Oui, enfin, je l'ai découvert un peu sur le tard, donc c'est peut-être d'ailleurs très bon pour moi de pas être idolâtre, enfin parce que sinon j'aurais peut-être été un peu gêné aux entournures pour faire de Blake une espèce d'enfant qui vient jouer au Monopoly chez son vieux copain. Je pense que ça m'aurait probablement bloqué. Donc le fait que j'ai découvert ça un peu tardivement était probablement une bénédiction pour les lecteurs de la parodie. Mmh, pour être loufoque, pas fou. Ben oui. Alors après, vous parliez de censure. J'ai l'impression qu'on fait quand même pas que notre travail n'est pas une entreprise de démolition. D'ailleurs, je pense que si c'était le cas, d'Argo nous aurait pas autorisé à le faire. Non, ni ébullition, ni obscénité. Voilà. Non, c'est un peu de grivoiserie quand même de temps à autre. En fait, on a c'est Pierre Vaisse qui a trouvé cette formule que je trouve assez juste. Quand on lit les aventures de Philippe et Francis, on se trouve finalement Un peu dans le même état d'esprit que quand on découvre les aventures de Spirou et Fantasio en présence de Gaston Lagaffe. Par exemple, quand on lit l'épisode de Spirou et Fantasio qui s'intitule « Bravo les Brothers », on a en présence Spirou, Fantasio, Gaston, et donc indépendamment de toute aventure picaresque, et là on a accès à un autre pan de leur personnalité. Là, enfin dans notre démarche, il y a un peu de ça, c'est-à-dire on les voit dans l'intimité, on découvre que Blake a une maman. Un peu envahissant. Chez qui il habite. Là, au début du troisième épisode, il s'en est fait chasser de chez sa maman. Ils se sont disputés. Parce qu'il a un peu envoyé le bouchon. Et ce qui l'oblige à venir vivre chez Mortimer. Donc on sait d'où vient cette cohabitation. En fait, on comprend que Blake s'est fait virer de chez maman. Voilà. Ce qui explique pourquoi dans l'œuvre de Jacobs, On les trouve ensemble, par exemple dans la marque jaune, en tant que colocataire du 99 bis Park Lane. Vous auriez pu prendre, vous parliez de Spirou, Nicolas Barle, vous auriez pu prendre le parti de raconter les aventures de Philippe et Francis, parce qu'en effet, c'est pas les aventures de Black et Mortimer, c'est les aventures de Philippe et Francis, leur prénom. Donc, vous auriez pu raconter, de même que le petit Spirou, vous auriez pu faire le petit Blake et le petit Mortimer, le petit Philippe et le petit Francis. Bah écoutez, mais ils se connaissaient pas, gamin. Ça, on le sait, puisqu'on sait quand ils se rencontrent. Oui, c'est pas exclu, finalement, pourquoi pas. Mais alors, c'est ça. On y avait pensé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on y avait pensé pour Sherlock Holmes. Mm-hmm. Ça, c'est vrai. Ça pourrait être un spin-off, comme on dit de nos jours. Oui, mais vous n'auriez pas le droit de faire se rencontrer le petit Blake et le petit Mortimer à 7-8 ans, puisqu'on sait qu'ils se rencontrent plus tard. Quand même si on accepte, Nicolas Barral, que vous soyez dans la dérision, dans le loufoque, et c'est ce qu'on attend de ces aventures, et c'est réussi, on veut quand même que la biographie soit maintenue. Enfin voilà, que vous ne trichiez pas avec ce que l'on sait. Bah écoutez, alors si... Non, je ne vous interdis rien, bien entendu, oui, mais... j'espère bien. Non, mais écoutez, la question pour l'instant ne s'est pas posée. Est-ce qu'on doit être parfaitement raccord avec l'œuvre originale? Oui, peut-être que ça serait plus malin de respect, enfin, de prévoir des passerelles entre les deux œuvres. Là, je suis pas seul aux commandes. Donc, si mon scénariste me propose une bonne idée, si cette bonne idée trahit l'œuvre originale, je pense que nous sommes prêts à tout pour faire rire. Bon. Alors, Menace sur l'Empire, c'était donc il y a 10 ans, le premier tome, c'était tout se déréglait, les femmes prenaient le pouvoir en Angleterre. Oui. C'était quelle horreur. Incroyable, quelle horreur. Le piège machiavélique, quelques années plus tard, pour résumer, c'est quoi? Alors le piège machiavélique, c'est... C'est à nouveau Milhoch, le professeur Milhoch, que connaissent bien les... C'est un pas de côté vis-à-vis du piège diabolique. Effectivement, Milhoch, ça commence un peu de la même manière, c'est-à-dire que Mortimer reçoit une lettre qu'il convoque dans un endroit un peu mystérieux, une espèce de bâtiment désaffecté, ancien centre des impôts, où on croit encore entendre le cri des victimes. Et voilà. Et donc, la curiosité scientifique de Mortimer va se retourner contre lui. C'est-à-dire qu'il va à un moment donné grimper sur un manège. Pas si enchanté que ça. Est pris dans une spirale qui va l'emmener non pas dans un voyage à travers le temps, mais dans un monde parallèle. La machine étant intitulée Monde Parallèle of Scaff. Voilà, il va rencontrer la reine d'Angleterre, reine d'Angleterre. Il va évidemment immanquablement tomber sur Ulrich. La question étant de savoir si dans un monde parallèle, Ulrich reste lui-même ou pas. Et ce que Mortimer et Blake vont s'évertuer à démontrer, c'est qu'il est resté le même et ils vont former, une formation d'ailleurs accélérée, leur double. Qui sont pas du tout concernés par tout ça. L'un fait des maquettes, l'autre est acteur de cinéma, de série B. Et donc, adore se déguiser en Zorro, Mais là, pour le coup, il a une bonne excuse parce qu'il se déguise en Zorro devant les caméras. Et alors qu'effectivement, dans le vrai monde, enfin, on finit par s'y perdre un peu, parce que le vrai monde n'est pas tout à fait le vrai monde. Oui, oui. Enfin, en tout cas, dans notre monde à nous, dans celui... Compliqué, la bande dessinée. Dans le monde où nous faisons évoluer Philippe et Francis, effectivement, Blake, qui a gardé un esprit, un esprit un peu juvénile, il lui arrive de se déguiser, de se prendre pour Zorro. Enfin, voilà, donc ils vont les former et les former à devenir, finalement, des doubles parfaits d'eux-mêmes. C'est un peu compliqué, hein. Désolé, il faut lire les albums. Non, mais on les lit. Alors, de même qu'on a lu le tout dernier, donc là, SOS Météo, Météo et non pas Météor. Alors, en quelle année sommes-nous ? Nous sommes en Angleterre, mais vous situeriez ça dans quelle année à peu près ? La fin des années 50, c'est un peu... Churchill est au pouvoir, donc c'est avant 55. Avant 55, alors. Il redevient Premier ministre entre 51 et 55. On va dire le milieu des années 50. Il y a Churchill, c'est vrai, on l'oubliait. Winston. Qu'on ne voit pas dans les Black et Mortimer de Garp et Jacobs. Il y a souvent des scènes au 10 Downing Street, mais c'est quelqu'un d'autre. Alors, effectivement, le Premier ministre a des vagues airs de. Enfin, pourra éventuellement évoquer Churchill, mais nous, on l'a vraiment mis en scène. Alors, mon Churchill, d'ailleurs, plus le temps passe et plus. Plus il ressemblerait à une espèce de mélange entre W.C. Fields et Mr. Magoo. C'est assez marrant. Ça doit être les résurgences des dessins animés que j'ai vus étant gosse. Et donc, c'est une histoire où la météo est détraquée, bien entendu. Oui. Les auditeurs de la nuit, là, le savent bien. La météo est détraquée. D'ailleurs, on a été assez servi au plan marketing par la météo ces temps-ci. Mm-hmm. C'est vrai que cette belle arrière-saison était une assez bonne rampe de lancement pour l'album. Oui, et puis l'automne qui a suivi. Ulrich dit à un moment donné, on ne peut pas inventer quelque chose de nouveau à chaque fois, on peut réutiliser un truc qui marche bien, on recycle. Oui, ça serait une belle mise en abîme de ce qu'on fait, ça, finalement. Ouais. Oui, oui. Donc, alors vous recyclez aussi, si j'ose dire, Nestor Burma, Nicolas Barral. Parce que c'est pas tout à fait pareil. Non. Il y a vos œuvres. On a parlé donc les Ailes de plomb, des Sherlock Holmes, des Aventures de Philippe et Francis, donc qui nous occupe à l'instant. Mais faudrait que vous disiez quelques mots quand même sur ce qui va paraître. Alors là, c'est dans quelques mois, en septembre, à la rentrée, un nouveau Nestor Burma. Oui, j'en ai fait un déjà l'année dernière. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Tardy, qui a été le premier à adapter en bande dessinée les nouveaux mystères de Paris, écrit par Léo Mallet, à un moment donné a souhaité passer le témoin. Donc, entre Tardy et moi, il y a eu d'ailleurs un de mes éminents collègues qui s'appelle Emmanuel Moineau, qui en a mis en scène trois. Et moi, j'ai repris le flambeau donc avec Boulevard Haussmann l'année dernière. Et là, je suis en train d'adapter Mick McMosho Boulmich. Alors, c'est le 5e arrondissement. Voilà, c'est une enquête qui se déroule dans le 5e arrondissement. Alors là, par contre, je pense que Tardy aurait vu d'un assez mauvais œil, d'ailleurs il me l'a dit, que je parodie son personnage. Donc là, je suis dans un autre exercice qui consiste à ce qu'un grand auteur comme Tardy me prête ses jouets. Et on m'a demandé, ou d'ailleurs on ne me l'a pas demandé, mais... Tout seul, j'ai compris qu'il fallait pas que je le lui abîme. Et parce que peut-être qu'un jour, il faudra à nouveau les utiliser. Donc, on est dans le recyclage encore là. C'est un grand honneur d'abord qui m'a été fait. Parce que moi, j'adore le travail de Tardy. Et c'est finalement aussi un exercice intéressant à plusieurs titres. D'abord, ça me repose de moi-même. De faire ça. Parce que Nicolas Barral, parfois, c'est fatigant. Et donc, ce pas de côté me permet de sortir un peu de ce que je fais habituellement, m'oblige à entrer un peu dans le détail m'a obligé à éplucher les albums de Tardy pour en comprendre les tenants et les aboutissants, la grammaire particulière, puisqu'il s'agit d'avoir un dessin qui ressemble, mais aussi une narration, si possible, un découpage qui s'apparente à Tardi. Donc on est un peu dans le travail de faussaire, quand même, qui peut d'ailleurs aboutir à ce que le lectorat finisse par vous confondre avec le créateur d'origine, mais ça, moi, j'en accepte le risque parce que ça me permet d'entrer vraiment dans les coulisses de l'exploit. Et voilà, c'est comme ça que j'ai compris pourquoi dans Nestor Burma il y avait par planche assez peu de cases. C'est parce qu'il faut montrer les immeubles haussmanniens et que si on veut les montrer convenablement, il faut des grandes images, des grandes vignettes. Ce sont des adaptations assez chargées en texte. Et donc, pour cette raison également, on ne peut pas imposer au lecteur d'avoir une page trop chargée en cases, parce que là, on aboutirait à une forme d'indigestion. Voilà, donc ça, c'est très agréable. Ça me permet, quand je reviens à mon travail plus personnel, par exemple, quand je travaille avec Tonino Benacquista, d'avoir vécu une forme de récréation et de m'être un peu régénéré. Mais alors, par exemple, Nicolas Barral, là, pour adapter donc ce Nestor Burma, Mick McMosh au Boulmich, vous allez vous promener dans le Paris d'aujourd'hui en sachant quand même que ça a changé parce qu'il faut que la géographie, Nestor Burma, il sort de sa voiture, il va à pied, il remonte le boulevard, il passe son temps à marcher, il faut que vous alors vous promenez. Alors, je marche dans les pas de Tardi et aussi dans les pas de Burma. Là, pour l'épisode en question, il y a une scène qui se passe au Quai des Orfèvres. Alors, j'ai eu le privilège de visiter cette grande maison par le biais d'un de ses habitants qui m'a ouvert ses portes. Et j'ai pu prendre des photos aussi de l'intérieur. Et ça va faire l'objet d'une scène que j'ai dessinée d'ailleurs, qui sera à mi-chemin entre la fiction et le documentaire. Et d'ailleurs, le 36 va déménager bientôt, donc ça... Très historique. Donc c'est... D'autant que là, il est pas... Vous quittez le 5e arrondissement. On est dans... Alors là, on passe le pont Saint-Michel. Oui, c'est obligatoire. Pour faire autrement. Pour aller voir Florimond Farouk. Pour aller voir Florimond. Et puis, il y a un certain inspecteur Massoultre qui est chargé de l'enquête. Et puis, par ailleurs, effectivement, ça m'oblige. Mais non, c'est pas une contrainte du tout. Parce que pour un dessinateur qui est quand même habitué à être enfermé la plupart du temps, ce genre de périple est assez roboratif et divertissant. Donc ouais, je me suis baladé. Je suis allé à la place de la Contrescarpe, je suis allé dans la rue Rollin, qui est pas très loin, rue Pierre Nicole. Enfin bon, le boulevard Saint-Michel. Alors j'étais un peu embêté pour photographier. Parce qu'à un moment donné, une scène se situe face au Luxembourg. On parle d'une certaine statue qui, en ce moment, est cachée par un échafaudage, enfin cachée par des travaux à la sortie de la station de RER Saint-Michel. Et donc, voilà, parfois, il faut reconstituer les choses. Alors là, on va... Luxembourg ou Saint-Michel Non, Luxembourg, vous avez raison. Oui, pardon. Ne vous trompez pas, attention. Oui, non, mais vous faites bien de me rappeler à l'ordre. Et non, c'est Luxembourg. Effectivement, la gare du Luxembourg. Et donc là, on est obligé d'aller faire des recherches sur Internet. Et on trouve des photos. Alors, j'ai pas trouvé les années 50, mais j'ai trouvé les années 30. Et j'ai pu constater qu'évidemment, le trottoir avait changé d'aspect. Et est-ce qu'on pourrait, vous pourriez faire se rencontrer un jour Black, Mortimer et Nestor Burma? Je veux dire, est-ce que... rien ne s'y oppose. Soit chez Casterman, soit chez Dargo, soit une coédition. Rien ne s'y oppose temporellement parlant, éditorialement, là, il faudrait peut-être quand même un peu demander l'autorisation. Mais je me suis dit, je pense que ce serait l'intérêt bien compris de tout le monde d'autoriser ce genre de... En attendant, on va plutôt lire de votre l'actuelle trilogie Menace sur l'Empire, Le Piège machiavélique, SOS Météo de Nicolas Barral au dessin et de Pierre Vess au scénario. Et puis nous, eh bien, dans cette nuit spéciale Black et Mortimer, qui est un peu aussi une nuit spéciale Philippe et Francis, Nicolas Barral, eh bien, on va continuer donc grâce à l'écoute de quelques émissions et bien sûr du feuilleton SOS Météor. Et puis, on va commencer par SOS Météor. C'est épisodes 21, 22 et 23. Et puis, une émission de Jean Dave, Edgar P. Jacobs, Le Bois des Pauvres. Un Culture Matin avec Jean Lebrun qui recevait Bob Demeure en 1990. Et on terminera la nuit, évidemment, avec le feuilleton et donc la fin du feuilleton. Vous saurez tout sur le SOS Météor, mais vous savez déjà tout. À peu près, oui.